Adolf, mon Dieu, Adolf, mon héros, Adolf, mon héros. C'est le pogo dans les camps, qui dansait, qui dansait. C'est le pogo qui dansait dans les camps. J'ai des annonces d'avancer, ce qui allait transformer la terre en grand merdier. Adolf, mon amour. Mon amour, Adolf, t'en prie, mon Dieu, je t'en prie, Adolf, mon héros, ah oui, mon Dieu, prends ma chatte, oh je t'en prie, oh je t'en le plaisir qui s'agglutine, tu sais, Adolf, ah oui, ah je t'en bon, Adolf, ah de moi tes liqueurs, oh oui, oh oui, glisse ta petite quéquette dans ma chatte, oh oui, Adolf, ah oui, ma chatte, Adolf. Adolphe, c'est bon. Adolphe, je t'en prie. Je jouis. C'est trop bon. Je t'en prie, Adolphe. Oh, mets-toi à quatre pattes, Adolphe, je t'en prie. C'est bon. Oui. Oui. Adolphe, Adolphe, Adolphe, Adolphe.